Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang, nouvellement construite. Il a été accompagné de Choi Ryong-hae et d'autres cadres responsables du Comité Central du Parti. Rappelons que c'est le camarade Kim Jong-un qui a fixé l'emplacement de l'usine dans un site adéquat, examiné le projet et envoyé les militaires bâtisseurs. Il l'a baptisé « Usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang » en janvier dernier, où la construction était en phase d'achèvement. En faisant le tour de la salle d'historique, il a dit que le parti prête l'intérêt profond à développer le sport du pays conformément à l'idée et l'intention du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il en matière de développement original du sport, avant d'inviter le personnel de l'usine, y compris les cadres, à se dévouer avec le patriotisme ardent et la fierté particulière de travailler dans un poste important destiné à réaliser le destin du parti en matière d'édification d'une puissance sportive. Dans différents endroits de l'usine, il s'est renseigné en détail sur la construction et la production, le nombre d'espèces et la qualité des produits. Il a dit qu'on a construit l'usine de façon bien répartie en secteurs de la production, de l'éducation et de la vie, conformément au travail et à la vie du personnel. Il a déclaré « Conformément à la particularité de l'usine qui fabrique divers équipements et matériels de sport très demandés par les sportifs professionnels et aussi par les jeunes et enfants et les travailleurs, on a disposé suffisamment et rationnellement les machines modernes et on a modernisé et informatisé la production et la gestion au niveau élevé pour fabriquer davantage d'équipements et matériels de sport variés par rapport au passé. Le système de contrôle de la qualité est établi rigoureusement non seulement pour garantir la qualité des produits de l'usine, mais aussi pour fabriquer des équipements et matériels de sport conformes à la norme internationale. » Le camarade Kim Jong-un a dit avec un large sourire que l'on a commencé la production il y a quelque temps et que l'entrepôt des produits est déjà plein de ballons de football, de volley-ball et de basket-ball. L'usine a une mission importante de réaliser le dessein du parti pour l'édification d'une puissance sportive. Cela dit, il a avancé les tâches posées devant l'usine, notamment pour prêter l'attention à accroître le nombre d'espèces des équipements et matériels de sport, dispenser des efforts tenus en vue de porter au niveau mondial la qualité des produits de l'usine portant la marque Daesongsan, accorder un profond intérêt à rehausser le niveau technique et professionnel du personnel, et accroître le taux de nationalisation des matières premières et des matériaux, normaliser et augmenter la production avec une stratégie de gestion. Le camarade Kim Jong-un a dit avec joie qu'il est vraiment content de sa visite à l'usine, que tout lui plaît, qu'on a fait une grande chose pour l'édification d'une puissance sportive et qu'on a une nouvelle fierté. Il a affirmé. C'est une affaire très importante que de fabriquer et fournir des équipements et matériels de sport du niveau mondial, conformément au fait que sous la direction du parti, tout le pays fait grand cas du sport. L'ardeur est élevée plus que jamais pour le sport et les sportifs et sportives obtiennent de bonnes performances. Cette usine moderne fournira à notre peuple, y compris les sportifs, des équipements et matériels de sport de bonne qualité de notre fabrication. Il faut fabriquer à tout prix par nos propres forces techniques et matières premières les équipements et matériels de sport très nécessaires pour développer le sport professionnel et pour que les masses pratiquent le sport quotidiennement. Après avoir estimé haut les militaires bâtisseurs qui ont construit l'usine impeccablement, le camarade Kim Jong-un a donné l'ordre relatif à son inauguration. Il a exprimé la certitude que les cadres du secteur intéressé et le personnel de l'usine rempliront à merveille leur mission honorable dans l'effort pour porter notre pays aussi vite que possible au rang de la puissance sportive.